parce que je suis déçu. Depuis petit, je fais que des chansons tristes. Symptômes, Vegas et Scribe, tu reconnais la rime. Écoute, yeah. Parce que je suis déçu, depuis petit je fais des chansons tristes. L'encre en guise de larmes sur papier canson. Dans ma tête la nostalgie s'est invitée en pension complète. J'ai les nerfs, marqué par la vie, abandonné par mes rêves. La tête je la lève, je suis tombé, je me suis relevé, j'ai voulu brasser. Le proc m'a dit tu fais pitié, je suis en manque de tout comme un toc. J'observe le monde, c'est la panique aux infos, j'ai la mort, les Air Max. Et le jean serré, je suis le fruit de mon époque. Je trouve l'inspi dans des grammes de shit et le sourire dans des bouteilles d'alcool à la recherche de la paix intérieure, d'une mission en intérim, d'un contrat, d'une petite combine. C'est pas le rap qui m'a empêché de pointer aux acédiques. Cette putain de musique me colle à la peau. Le rap c'est ma drogue, je suis accro, passe-moi un garrot. Je m'en tape de la célébrité, c'est les consciences que je veux élever. Au bruit des scouts en bas de chez moi, des images indélébiles dans ma mémoire. On prend l'âge, je veux prendre le large, je veux des concerts de la balle. Être intermittent comme smoker, je pleure les larmes du ciment. Un homme de mon époque, le monde nous appartient, levez les mains. Levez les mains, un homme de mon époque, esclave du système, libérons nos chaînes. Génération désabusée par la merde et cabossée. Un homme de mon époque, le monde nous appartient. Levez les mains, un homme de mon époque, esclave du système, libérons nos chaînes. Génération désabusée, le système, je veux le voir s'écrouler. Ma putain de ville, mon pote, n'a toujours pas la cote. 71, mon gueule, mon code postal, j'ai mal à la gorge, j'en place une. A tous les mecs de chez moi, j'en place une. A toutes les meufs de chez moi, qui veulent un prince charmant, un beau camo, fini le carotte. Faut flamber en V12, faut du champagne de la côte. Avoir la côte, traîner en bois. Génération, les narines enfarinées. Mon flow a un ton quart sur la langue. Mais le son fort, je veux que ça bousille les tympans. Génération, qui t'en tape de l'avenir. Génération, qui t'en tape de ta gueule. Génération, Sarkozy. Génération, la jeunesse UMP. Ouvrez les yeux, le système nous a baisé. Je rappe mes fautes d'orthographe sur ma feuille. Les failles du système, Babylone et sa misère. Root boy, levez les mains, root boy. Un doigt en l'air, un doigt en l'air contre le ministère. L'avenir est à nous, Kouchen te l'a dit. Le monde nous appartient, on connaît tous Tony. On va se laisser marcher dessus. On va se lever, faut cogiter. Le savoir est une arme, c'est pas des maillots, faut agir. Faut agir, yeah. Un homme de mon époque, le monde nous appartient. Levez les mains, levez les mains. Un homme de mon époque, esclave du système, libérons nos chaînes. Génération désabusée par la merde et cabossée. Un homme de mon époque, le monde nous appartient. Levez les mains, levez les mains. Un homme de mon époque, esclave du système, libérons nos chaînes. Génération désabusée, le système, je veux le voir s'écrouler. Mon écriture a les larmes aux yeux, mon flow sent la peu. Je veux pas d'un succès d'estime, ni d'un succès passé. Victime de la consommation, le blé, je veux pas le blé. Je suis un homme, je suis fait de chair et de péché. Le système nous a blessé, faut changer. En attendant, je veux du bruit. Un nouveau cuir des Air Max, même si c'est des gamins qui les tissent. Je noierai mes contradictions dans la tisse. Je suis un homme de mon époque, je multiplie les erreurs et j'aspire à la sagesse de Gandhi. Yeah! A toutes nos erreurs, nos contradictions, nos aspirations, la réalité. Triste époque, ouvrez les yeux, notre vie c'est que péché. Même notre terre pleure, une prison à ciel ouvert. Et si t'es bien dans ta petite vie, analyse à l'échelle planétaire. Un homme de mon époque, le monde nous appartient, levez les mains, levez les mains. Un homme de mon époque, esclave du système, libérons nos chaînes. Génération désabusée par la merde et cabossée. Un homme de mon époque, le monde nous appartient, levez les mains, levez les mains. Un homme de mon époque, esclave du système, libérons nos chaînes. Génération désabusée, le système, je veux le voir s'écrouler. Un homme de mon époque, le monde nous appartient, levez les mains, levez les mains. Un homme de mon époque, esclave du système, libérons nos chaînes. Génération désabusée par la merde et cabossée. Un homme de mon époque, le monde nous appartient, levez les mains, levez les mains. Un homme de mon époque, esclave du système, libérons nos chaînes. Génération désabusée, le système, je veux le voir s'écrouler.